30 ans. Joyeux anniversaire. Une nouvelle heure, une nouvelle année. 94.2. Alors oui, vous êtes à l'écoute de Fadjet encore pour l'avant-dernière heure de ces 30 heures d'émission. On était ensemble et on est encore ensemble jusqu'à 15h. Ce petit moment qu'on consacre avant l'émission un coup d'œil dans le rétro va se porter sur l'année 2013. Comme vous le savez déjà, 30 heures, 30 années de radio. Donc une année pour une heure. Et nous on arrive tout doucement, tranquillement, on se pose donc vers l'année 2013. Et ici à Fadjet, eh bien c'était l'année de l'émission, de la création de l'émission d'Aurélie sous toutes les cultures. Sous toutes les cultures. Sous toutes les cultures. Ouais, sous toutes les cultures. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2. Sous toutes les cultures ouvre une nouvelle page ce soir, un petit quart d'heure pour découvrir un artiste ou tout savoir sur ceux que vous préférez. Musique, anecdotes, dates de concert, vous saurez tout et ça commence tout de suite. Pour vous présenter rapidement notre invité de... Alors voilà, c'était l'émission qui a fait son apparition bien sûr en 2013 ici à Fadjet. Donc ça c'est le petit tour, le petit point sur l'année 2013. Il y a eu aussi une personnalité connue qui est venue nous faire un petit coucou dans les studios avant qu'il gagne The Voice. Eh bien c'était Lilian Renaud. Depuis 1985, un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. Ils sont tous passés au micro de Fadjet. De l'abbé Pierre à Antoine Decaune, de Jean d'Ormesson à Lilian de The Voice, ils sont le symbole de la diversité des programmes de Fadjet. Et parfois même, pendant certaines interviews, y a une amitié naissante qui se met en place avec les stars interviewées. C'était le cas par exemple cette année avec Lilian, le gagnant de The Voice. Ouais, juste une dernière question. Tu es sur Nancy depuis combien de temps là ? Bah, je suis sur Nancy depuis... je suis arrivé le 29 septembre, donc ça fait 6 mois. Alors, ton impression sur la ville, ça serait quoi ? J'aime bien la ville. Moi, je suis pas trop ville à la base. Ouais, je te comprends. Mais je trouve que c'est une ville jeune, super sympa. Ouais. Il y a des super beaux coins. Et puis, franchement, je m'y plais bien, quoi. Bon, bah, c'est cool. Tout simplement. Ouais. On se croisera à la PEP ou dans un bar, ouais, probablement. Ouais, j'espère bien, ça marche. Lilian Renaud qui était avec nous bien sûr dans les studios en 2013 et qui a été interviewé par Florent, le coordinateur de l'émission Menu étudiant. Allez, les 13h04 et on va commencer cette émission exceptionnelle d'un coup d'œil dans le rétro, tout simplement maintenant. Donc bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, on décrypte toute l'actualité. Alors en règle générale, c'est le vendredi soir, le troisième vendredi de chaque mois, de 17h à 17h30 sur les ondes de Fadjet. On vous décrypte toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on parle du passé au présent. Ma partenaire de jeu depuis presque 2 ans, fêtera les 2 ans en janvier 2016, c'est Anaïk. Bonjour à toi, Anaïk. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va bien. Il faut savoir qu'Anaïk a dormi 2 heures. Oui, 2h30. Non, 2h30, puisqu'elle travaillait cette nuit. Mais pour les 30 ans de Fadjet, elle nous fait l'honneur d'être ici. Alors, on a 2 invités qui se sont greffés à l'émission ce matin, qui ne sont pas forcément des invités du monde rétro, mais qui viennent nous faire un petit coucou. C'est ça aussi, Fadjet. C'est Steve. Bonjour à toi, Steve. Et c'est vrai que je suis un petit peu rétro quand même. T'es un petit peu rétro. Quelque part, là-bas. Et oui, voilà, là-bas.